éclairs laissent place au tonnerre. L'univers n'est plus qu'un tas de poussière. La foudre réduit en cendres la terre. Et nos vies en ce monde ne seront plus jamais les mêmes. Le vent a pris les rênes de la fête. À sa tête siège la divine tempête. Effroyable et redoutable chasseuse de tête. Comme à son habitude, elle ne vous laissera aucun reste. Écoute le ciel rugir, la colère des temps arrive. Observe l'horizon noircir, on sait que le pire est à venir. Sous la stratosphère et finissent par libérer leurs puissantes graines. Nos champs se transforment en véritable désert. Et nos maisons, elles, s'écroulent déjà toutes par terre. Combien de temps va durer cet enfer? Personne ne sait vraiment quand tout pourra être clair. Tout le monde a peur de bientôt manquer d'air. On va tout faire pour éviter davantage la misère. Écoute le ciel rugir, la colère des temps arrive. Observe l'horizon noircir, on sait que le pire est à venir. On sait que